Le vase de Chine par Ponson du Terrail. Chapitre 1er. C'était en automne, en plein mois d'octobre, et dans cette sauvage et poétique contrée qu'est nom le Morvan. Un dernier rayon de soleil glissait, indécis et tremblotant comme le sourire d'un vieillard, sur les vieux murs d'un château adossé à une colline, baignant ses tourelles dans le Cousin, une jolie rivière morvandelle, et entourée d'une ceinture de prairies et de grands peupliers mélancoliques dont les premières bises d'octobre avaient respecté la verdure. Ce château était un peu délabré, mais il avait encore fière mine et grand air. On eût dit Alcibiade ou Lauzun à leur 70e automne. Le parc, négligé et touffu, renfermait quelques-uns de ces grands chênes qui sont la gloire du milieu de la France. Les tourelles, converties en colombiers, avaient conservé leurs créneaux et leurs mâchicoulis. Çà et là, sur les deux façades, on apercevait une croisée gothique à vitraux peints et armoriés. Enfin, sur la porte d'entrée principale, un écusson bien taillé aux couleurs du maître disait que cette vieille demeure n'avait jamais, et en dépit du temps et des révolutions, changé de propriétaire. Ce castel se nommait La Roche, du nom de ses anciens possesseurs qui portaient le titre de baron. À l'heure où notre récit commence, il était habité par la veuve du dernier baron, et ce soir-là, car la nuit allait succéder bientôt au dernier rayon du soleil, la baronne était assise au coin du feu de son boudoir, une ravissante petite pièce ménagée au premier étage de l'une des tours, prenant jour sur la rivière par une croisée, sur une belle forêt par une autre, meublée et décorée, enfin avec tout le confortable parisien, malgré l'apparence féodale et sévère du castel. Madame de La Roche était veuve depuis 2 ans, et elle en avait 25 à peine. C'était une veuve de roman, dans toute l'acception du mot. Cependant, elle n'était ni blonde et vaporeuse comme les héroïnes de Walter Scott, ni petite, grassouillette et rosée, ainsi que les veuves de M. Scribe. Madame de La Roche avait un type de beauté presque à part, et tout au moins original. Elle était brune comme une andalouse, svelte, mince, les épaules larges, les lèvres rouges et ombrées d'un imperceptible duvet. Son pied et sa main étaient le pied et la main d'un enfant. Ses grands yeux noirs eussent exprimé tour à tour la joie ou la colère, s'ils n'avaient été d'ordinaire mélancoliques et rêveurs. La baronne était donc assise au coin de son feu, seule et abandonnée à cette rêverie charmante et pleine de mystères qui s'empare des femmes quand leur isolement est volontaire. Son regard allait parfois consulter la pendule de la cheminée, une jolie rocaille du meilleur temps rococo. Puis il s'abaissait sur un petit meuble de boule qui supportait une grande potiche chinoise, de celle qu'on nomme Céladon. Et, alors, de ces sourires énigmatiques, mutins et mystérieux, où les femmes semblaient ébaucher leurs projets et dessiner tout un plan de conduite à venir, arquait à demi ses lèvres et creusait en même temps, dans l'ivoire de son front, un de ces plis imperceptibles qui trahissent une résolution bien prise et tout à fait inébranlable. L'aiguille de la pendule atteignit le chiffre 5 et 5 heures sonnèrent. Au même instant, un bruit de voiture se fit dans la cour du château, et à ce bruit se joignirent les jappements de plusieurs chiens de chasse. « Voici mes 3 amoureux, » murmura la baronne. « Ils sont d'une exactitude qui sent la race. » Une porte s'ouvrit peu après, et un domestique en livrée jeta tour à tour aux échos du boudoir ses 3 noms. « Monsieur le comte de Massy, Monsieur le baron d'Arcy, Monsieur Max de l'Air. » Le baron se leva et reçut ses 3 visiteurs avec un sourire. Ils étaient jeunes, tous 3, beaux tous 3, d'une beauté différente, et vêtus uniformément de l'habit bleu sombre à boutons d'argent, qui est l'habit de chasse des veneurs bourguignons. « Messieurs, leur dit la baronne, je vous remercie 1000 fois d'avoir accepté mon invitation et de venir ainsi, après une journée de chasse, vous asseoir à la table d'une pauvre veuve bien isolée, et qui n'a pas même ce soir un chaperon. Car le marquis, mon père, est parti hier pour Paris et n'en reviendra qu'après-demain. Monsieur le comte, voulez-vous me donner la main ? » Et la baronne passa avec les 3 jeunes gens dans la salle à manger où le dîner était servi. Elle plaça le comte à sa droite, le baron à sa gauche et le 3e convive en face d'elle. Ces 3 messieurs avaient été les amis du défunt baron. Ceci expliquait donc à peu près et à première vue cette invitation singulière d'une jeune femme sans époux et sans chaperon à trois hommes dont le plus âgé avait 35 ans à peine. Mais ce qui tout à coup aurait jeté un nouveau jour mystérieux et tout à fait original pour un observateur attentif sur la réunion de ces quatre personnages, ce fut le vase de Chine du boudoir qu'un valet apporta et plaça sur la table au dessert. Et comme l'étonnement des convives était grand à cette apparition, Madame de la Roche les regarda tous trois en souriant et leur dit « Messieurs, ce vase joue un rôle assez important ici. C'est ma boîte aux lettres. » À ce mot de lettres, un embarras visible se peignit sur les traits de chacun des invités, ce qui fit que chacun d'eux, empressé de dissimuler son trouble, ne remarqua point le trouble de son voisin. « Messieurs, continua la baronne, j'ai eu un but très mystérieux en vous priant à dîner tous trois. Et si vous voulez avoir la clé du mystère, accordez-moi la parole et promettez-moi de m'écouter attentivement. » Les jeunes gens s'inclinèrent. « Feu, mon mari, monsieur de la Roche, reprit la baronne, était votre ami à tous trois. Il était de votre âge, monsieur le comte de Massy, et des fenêtres de ce château on aperçoit les tourelles du vôtre. Vous avez été son compagnon d'enfance, vous étiez son plus ancien ami. Vous, baron, vous avez étudié le droit et la médecine avec lui, et vos relations dataient d'au moins 15 ans. Vous avez également des propriétés dans les environs, et vous quittez Paris chaque année pendant l'automne pour les venir habiter. Vous, enfin, monsieur Delaire, vous étiez un ami plus récent mais non moins cher du baron. Vous vous êtes rencontré il y a 5 ans en Italie, où il m'avait conduite pour ma santé, et où vous étiez allé vous-même accomplir ce pèlerinage obligé de tous les artistes qui ont foi en leur art. Ai-je dit vrai, messieurs ? Les trois jeunes gens s'inclinèrent de nouveau. Feu le baron était chasseur passionné. Il avait fondé le club de Bailly-Morvan, et vous y étiez entré avec lui. Le baron est mort, hélas, et vous êtes demeuré fidèle à vos engagements de veneur, et c'est pour les remplir que chaque année, vous vous réunissez ici, chez vous, monsieur le comte. Or, messieurs, voici la deuxième année de mon veuvage qui va finir. Les trois gentilshommes tressaillirent en même temps. J'ai 25 ans. L'isolement règne autour de moi. Le marquis, mon père, touche à l'extrême vieillesse et j'ai besoin d'un protecteur. Quel attachement qu'elle ait eu pour son premier époux, si grande que soit sa vénération pour sa mémoire, si violente qu'était sa douleur, une veuve de 25 ans se remarie, quand elle ne peut reporter ses premières affections, brisées par la mort, sur la tête blonde d'un enfant. Vous avez compris cela, messieurs, et chacun m'a écrit pour me demander ma main. À ces derniers mots de la baronne, ces trois convives se regardèrent mutuellement avec une stupéfaction profonde. Aucun d'eux n'avait confié son secret aux autres. Feu le baron avait écorné sa fortune, poursuivit Madame de la Roche, et il avait même ébréché ma dot. Donc, je ne suis pas riche. Je possède 10 000 livres de rente à peine. Donc, vous m'aimez, puisque vous voulez m'épouser. Car vous, monsieur de Massy, vous avez 30 000 francs de revenus. Vous, monsieur Darcy, 150. Et vous, monsieur Delaire, qui n'avez plus qu'un patrimoine assez mince, vous êtes devenu un de nos grands peintres et vos toiles sont couvertes de pièces d'or à l'avance. Je crois donc, et Madame de la Roche eut un sourire de coquetterie mélancolique, que vous m'aimez tous les trois. Oui, répondirent-ils spontanément. Que faire alors? Vous êtes amis, vous possédez tous trois de nobles qualités qui rendent le choix difficile, et je suis vraiment fort embarrassé. D'ailleurs, je ne veux point que vous deveniez ennemis, et je ne me marierai jamais si le bonheur de l'un d'entre vous lui devait attirer la haine des deux autres. La baronne, à ces mots, plongea sa main blanche et menue dans le vase de Chine et en retira les trois déclarations de ces messieurs. « Voici vos lettres, » dit-elle. « Elles se ressemblent quant au fond. Cependant, il est facile de voir que vous m'aimez tous trois d'une façon différente et que chacun de vous a rêvé l'avenir à sa manière. Voulez-vous me permettre de lire successivement vos lettres ?» L'embarras des amoureux de la baronne était à son comble. Mais elle souriait, et le sourire de la femme aimée est irrésistible. Elle ouvrit donc la lettre du comte de Massy. Le comte commençait par une déclaration dans toutes les formes voulues. Il avouait son amour, ses espérances, et il finissait par faire à la baronne un tableau de l'existence qu'il lui destinait si elle daignait exaucer ses vœux. « Nos terres se touchent, disait-il. Réunies, elles formeront le plus beau domaine de la contrée. » Vous en serez la belle châtelaine et je serai orgueilleux et fier de posséder à la fois la plus jolie, la plus aimable des femmes et la plus belle fortune terrienne du Morvan. Nous passerons l'hiver dans mon hôtel d'Avalon. Le printemps et l'été à Massy, l'automne chez vous, car la Roche est un délicieux rendez-vous de chasse. Nous recevrons nos voisins et leur donnerons des fêtes. Je veux, madame, que votre nom éveille des échos d'admiration par toute la province et que, dans le pays bourguignon, on cite le comte de Massy comme le plus heureux des hommes. Je conclus de là, acheva la baronne, que vous espérez me faire partager vos goûts champêtres et votre amour de la province. Ah, madame, exclama le comte, peut-on vivre et aimer ailleurs? Je ne discute pas la question, je la pose simplement. Voyons maintenant la lettre du baron. La première moitié de cette seconde lettre était semblable en substance à l'exorde de celle du comte. Mais les projets du baron étaient tout autres. « Mon hôtel de la rue de Grenelle-Saint-Germain, disait-il, est bien vaste, bien désert maintenant. Mais j'en voudrais faire une charmante demeure si vous consentiez à l'habiter avec moi. L'hiver sera pour nous une longue fête dont vous seriez la reine. Tout le Paris élégant se presserait dans nos salons et vous admirerait en m'enviant mon bonheur. Puis, au printemps, au premier souffle des brises de mai, nous partirions, nous irions voyager. L'Allemagne, l'Italie, les bains de mer seraient pour vous tout autant le lieu où votre beauté triompherait de l'admiration universelle. Je le vois, dit la baronne en terminant, il me faudra renoncer, si je vous aime, à la calme existence que je mène à la campagne. Mon Dieu, madame, répliqua le baron avec un sourire de mirailleur, pensez-vous que les champs couverts de neige, les bois dépouillés et le morne silence d'un vieux manoir soient en hiver chose bien réjouissante? Passons, dit la baronne, à la lettre de monsieur Delaire. Cette dernière était courte et la voici tout entière. Vous le savez, madame, de révolution et l'aveugle prodigalité de mes pères m'ont contraint à demander à une profession quelconque les ressources que ne pouvait plus m'offrir mon patrimoine amoindri. À 20 ans, il m'a fallu choisir une carrière. La diplomatie, l'armée, la magistrature m'étaient fermées par mon respect et la religion du passé. Je ne pouvais servir le roi Louis-Philippe. J'avais quelques talents, je me suis fait artiste. Et j'ai eu le bonheur de réussir. Le succès a couronné mes efforts et récompensé mes veilles. Longtemps, les enivrements de la gloire ont suffi à remplir ma vie, ne laissant aucun vide dans mon cœur. Mais un jour, ce vide s'est fait. J'ai regardé autour de moi et n'ai vu que l'isolement. Au-dedans de moi. Et je me suis aperçu qu'il y avait au fond de mon âme une corde généreuse qui n'avait point vibré. Je me suis demandé sérieusement, alors, à quoi bon cette gloire, ces succès, ces travaux, si je ne pouvais les consacrer à un de ces anges qu'on nomme des femmes, et qui doivent remplir l'existence de l'homme qui a une foi profonde en son art. Un joli nid mignon et coquet pour abriter notre amour, à cette époque bénie où Dieu, ouvrant ses deux mains, laissera tomber une nappe de marguerites blanches dans les prés et de lisons bleus au bord des ruisseaux. Hélas, madame, tout cela n'est-il point un rêve? Décidément, messieurs, fit la baronne en souriant, monsieur Delaire est moins exclusif que vous. Il compte mener avec moi la double existence de Paris et de la campagne. » Un sourire dédaigneux glissa sur les lèvres des deux gentilshommes. « C'est un artiste, » pensèrent-ils tous deux. La baronne reprit. « Vous le voyez, chacun de vous a arrangé à sa manière l'existence qu'il me réserve si je deviens sa femme. Il n'a oublié qu'une chose, me consulter d'abord un peu moi-même, si bien que mon embarras augmente au lieu de diminuer. Que faire alors ? Dirent-ils tous trois à leur tour. « Écoutez, répondit la baronne, vous m'aimez tous les trois d'un amour différent. Eh bien, j'ai une condition différente à poser à chacun de vous. Celui qui l'acceptera obtiendra ma main. C'est aujourd'hui, messieurs, que votre déplacement de chasse d'octobre est clos. Demain, vous, baron, vous retournerez à Arcy, monsieur Delaire à Paris, et vous, comte, vous resterez à Massy. Oui, madame. » La baronne plongea de nouveau sa main dans l'urne mystérieuse et en retira 3 petits billets écrits sur papier rose et soigneusement pliés et cachetés. « Vous allez m'engager votre parole, dit-elle, de n'ouvrir la lettre qui vous est destinée que lorsque vous serez séparés tous trois. Si la condition que j'attache à ma main convient à l'un de vous, il fera un détour au lieu de poursuivre sa route et viendra me demander à déjeuner. Et si nous l'acceptons tous trois ?»« Alors, fit la baronne en souriant, nous aviserons. » « Adieu, messieurs. » Madame de la Roche congédia ses 3 soupirants, car l'œil de bœuf de la salle à manger marquait 9 heures, l'heure solennelle où le couvre-feu doit sonner pour une veuve de 25 ans. Chapitre 2e. Le lendemain, à 8 heures du matin, dans la cour du château de Massy, M. le baron Darcy et M. de Lerme mettaient le pied à l'étrier, tandis que le comte leur disait « Vous aurez à peine franchi la grille du parc que je romprai le cachet de ma lettre, et je vous engage à en faire autant car il est probable que nous déjeunerons tous trois à la roche. Ainsi donc, messieurs, à bientôt !» Chapitre troisième. Lorsque le cheval des galops de ces messieurs se fut perdu dans l'éloignement, le comte ouvrit le billet de la baronne et lut. « Monsieur le comte, vous le savez, je suis parisienne. Feu, mon mari, m'avait imposé un bien lourd sacrifice en m'obligeant à vivre à la roche une partie de l'année. J'ai horreur de la campagne, et je regrette amèrement ma première jeunesse et ses enivrements du monde élégant de Paris, au milieu duquel elle s'est écoulée. Je ne consentirai à épouser que l'homme qui renoncera bravement à la vie de province et me ramènera à Paris. « Palsambleu ! » s'écria M. de Massy, « elle est folle. Mais à ce compte, il faut que je vende ma terre de Massy, mes bois, mes prairies, que je renonce à la chasse. Ceci est complètement impossible. » « Ma foi, Darcy est bien mieux que moi, le mari qui convient à la baronne. » Et le comte ajouta en soupirant, « Décidément, je ne déjeunerai pas à la roche. » Chapitre quatrième. Le baron et le peintre gentilhomme chevauchèrent ensemble l'espace d'une demi-lieue, puis ils se séparèrent en se disant également « À bientôt !» Alors M. Darcy ouvrit le billet rose et lut « Cher baron, vous avez cru que j'aimais le monde, le bruit, les fêtes, vous vous êtes trompé. Je suis un peu désillusionné, et j'éprouve un grand besoin de repos, de solitude, je dirais presque d'isolement. Il y a 3 années que je caresse un rêve charmant à mes yeux, celui d'aller vivre en Italie, sous le ciel napolitain, dans l'une de ces îles verdoyantes et parfumées autour desquelles soupire éternellement cette mer bleue du golfe de Naples. L'amour que vous avez pour moi serait-il assez fort, assez puissant, pour vous faire renoncer à Paris, au Jockey Club, aux courses de la Marche et de Bernie, et aux bruyantes réunions des eaux? Consentiriez-vous à passer nos hivers à Ischia ou Sorrente, et nos étés à Arcy ou à La Roche? Ah, par exemple, s'écria le baron. Voilà des goûts singulièrement romanesques. La baronne perd la tête. Si c'est là son dernier mot sur l'avenir, je renonce à déjeuner aujourd'hui chez elle. » Et le baron poussa son cheval et continua son chemin, sans détourner la tête et jeter un dernier regard aux tourelles du château de la Roche, dont les toits ardoisés étincelaient au soleil levant. Chapitre cinquième. Pendant ce temps, le peintre suivait un sentier qui longeait la rivière, et il lisait également le billet de la baronne, avec cette émotion grave et recueillie de l'homme qui attend sa destinée d'un seul mot. « Monsieur, disait la veuve, vous m'offrez de partager cette vie d'artiste que vous vous êtes faite, existence mêlée de travail et de succès. Vous m'aimez, dites-vous, je le crois. Mais m'aimeriez-vous assez pour me sacrifier précisément ce que vous seriez si fier de me consacrer? Si je vous disais que je préfère 1000 fois, et en cela peut-être j'obéis à de certains préjugés de race, que je préfère, dis-je, être la femme d'un bon gentilhomme de province que la femme d'un peintre célèbre. Si je vous disais encore, vous renoncerez à Paris, à vos amis, à votre art, vous viendrez ici partager mon modeste revenu, vivre à la roche, été, hiver, y oublier votre gloire personnelle pour ne vous plus enorgueillir que du nom de vos aïeux. » Chapitre sixième. M. Delair ne poussa point une exclamation de surprise et de découragement comme le baron et le comte, mais il éprona son cheval et s'en alla droit à la roche, le cœur palpitant. La baronne se promenait dans le parc, son ombrelle sur l'épaule. Elle vint à lui en souriant et lui tendit sa main à baiser. « Je crois que vous êtes le premier au rendez-vous. Je crois même que vous y serez seul. » Il poussa un cri de joie. « Ainsi, reprit-elle, vous acceptez ma condition ? » Madame, répondit gravement le jeune homme, la gloire ne vaut pas le bonheur. Je ne suis plus peintre, je redeviens gentilhomme. Il s'agenouilla, lui prit les mains et murmura, « Je vous aime. » Madame de la Roche le releva, puis elle le fit asseoir auprès d'elle sur un banc de verdure qui bordait l'avenue. « J'ai demandé, lui dit-elle, à M. de Massy le sacrifice d'une passion, à M. Darcy celui de ses plaisirs. À vous, je vous ai demandé plus encore le sacrifice de votre art, c'est-à-dire de la moitié de votre existence. Ces messieurs ne sont point venus. Le sacrifice leur a paru trop lourd. Vous arrivez, vous, donc vous acceptez. C'est que vous m'aimez. » Et elle ajouta tout bas. « Et c'est vous que j'aime. J'avais prévu ce qui arrive. Et je savais fort bien que vous seul triompheriez de l'épreuve. » « Une épreuve ? » exclama le jeune homme. « Et sans doute, mon ami. Pourquoi renonceriez-vous à une gloire, à des travaux dont je suis fier depuis le jour où mon cœur a parlé? Oui, c'était une épreuve, et j'accepte à mon tour cette existence que vous m'offrez. La noblesse de notre temps ne déroge point en devenant artiste. L'art n'est-il point une aristocratie? Reprenez vos pinceaux, ami. Monsieur Delaire s'agenouilla de nouveau. À quoi bon? Murmura-t-il. La destinée des artistes est de courir sans cesse après un idéal, mais moi, j'ai trouvé le mien. Vous le peindrez, répondit-elle.